On m'appelle l'enquêteur, pas celui des séries télé. Celui qui gratte là où ça fait mal, qui suit la trace quand elle semble avoir disparu et qui écoute quand plus personne ne parle. Je vous préviens, ce que vous allez voir, ce n'est pas un simple documentaire. C'est un voyage. Un plongeon dans les entrailles du crime organisé à travers les continents, les cultures, les langues, mais toujours la même ombre. Discrète, efficace, impitoyable. Tout a commencé par un nom griffonné sur un bout de papier à Naples. Une piste banale, presque un hasard. Mais derrière ce nom, j'ai trouvé un réseau. Une toile invisible qui relie les cartels mexicains aux mafias russes, les gangs nigérians aux clans italiens. Chaque rue, chaque regard, chaque silence m'a emmené un peu plus loin. Alors j'ai décidé de tout documenter, de tout montrer, sans filtre, sans surjouer. Juste moi, mon carnet, ma caméra. Bienvenue dans l'ombre, ce web documentaire, c'est mon enquête. Et si vous êtes prêt à ouvrir les yeux, je vous emmène avec moi.